Préface aux enfants. Dieu, lorsqu'il eut fait les hommes, chercha un adoucissement à leur peine. Il mit au monde l'amour maternel. Depuis ce temps, les enfants sont heureux. Ils ont des mères pour veiller sur eux et pour les embrasser. Étant petits, elles les soignent avec sollicitude, leur font des lits propres et doux, leur apprennent à prier, à lire et à aimer. Elles les aiment tant, ces mères. Une d'elles qui a bercé les siens en cherchant à les instruire par des leçons tendres et faciles, a rassemblé ses leçons pour tous les petits-enfants, auxquels les siens envoient des vœux, des baisers, et leurs livres qu'ils savent par cœur. Au revoir dans la vie, chers écoliers, courage !